Avant que les criminels de la finance internationale ne volent tout l'argent du monde pour ensuite nous mettre un pistolet sur la tempe pour nous forcer à le remettre, avant les occupations du 99% dans les divers parcs et places publiques du monde entier, un homme, un Canadien errant, louait un édifice délabré dans le quartier Bowery de New York qu'il transforma en maison de chambre rudimentaire, doublée d'une binerie où les sans-abri et les sans-espoir pouvaient trouver des lits à 25 cents et des repas à 5 cents, servir sa volonté. Lorsque la police de New York lui interdit de présenter une action directe en 1921 dans un parc de la ville pour attirer l'attention de la population sur la souffrance des sans-emploi, il déclara « La liberté se meurt en Amérique. Vous avez vu aujourd'hui que nos droits au rassemblement et à la contestation ont été bafoués. La liberté se meurt lentement. Quel espoir a-t-elle ? Son seul espoir est que l'opinion publique pourra, par la force de son gros bon sens, s'élever et protéger nos libertés violées, pourtant garanties par la Constitution. Si la ville de New York ne désavoue pas le triste spectacle que j'ai contemplé aujourd'hui, quel espoir y a-t-il? Mon Dieu, quelle sera la fin? Si les conditions qui existent aujourd'hui persistent et que la police réagit encore comme elle l'a fait, il y aura des conséquences tragiques. Je fais tout pour éviter une telle situation. En rassemblant ces gens et en leur permettant d'échanger entre eux de leurs problèmes, je suis certain d'avoir amélioré les choses. Je crois avoir servi la cause de la paix. Je ne suis pas un agitateur. Je travaille pour le bien commun en tentant de servir ceux pour qui personne d'autre ne travaille. Le fait que je déteste la violence est la raison pour laquelle je ne tenterai pas mon action aujourd'hui. Je connais l'humeur de mes gars. Je leur ai parlé. Ils m'ont dit exactement ce qu'ils feraient. Et je sais que plusieurs finiraient blessés. J'ai vu les policiers et je connais leur humeur aussi. Je sais qu'il y aurait un conflit violent et que quelqu'un serait tué. Ces gens dans ces parcs ne sont pas dangereux. Ce ne sont pas eux la cause de nos troubles. Ils sont faibles. Ils veulent manger. Ils veulent du travail. Vous écoutez Tous les cancers de l'arc-en-ciel. Aujourd'hui, Urbain Le Doux, Monsieur Zéro. Né le 13 août 1874 à Sainte-Hélène-de-Bagotte, en Montérégie, Urbain J. Ledoux fut le premier-né des enfants de Joseph et Octavia Ledoux. Lorsque nouvellement mariés, les Ledoux vivaient à Baltique, dans le Connecticut, à l'instar de presque la moitié des Québécois de l'époque qui ont dû s'exiler vers les usines de textiles de la Nouvelle-Angleterre pour survivre. Ils sont retournés au bercail le temps que leur aîné voit le jour, pour ensuite reprendre le chemin des États-Unis, alors qu'il était encore poupon, s'installant éventuellement dans la ville de Biddeford, dans le Maine. Urbain Ledoux fit ses études d'abord au Collège Sainte-Marie-Monnoir, puis au Collège des Frères Maristes à Van Buren, dans le Maine. Il occupa un poste de superviseur dans une usine de filature à Biddeford et contribua des textes au Figaro de Montréal. Il maria Carméline Pinchot et de leur union naquirent trois enfants, Normand, Yvette et Lucille. À l'âge de 21 ans, il fut nommé consul des États-Unis à Trois-Rivières. Après 7 ans en poste en Mauricie, le gouvernement américain le nomma consul commercial à Bordeaux, en France. Mais il fut en fait envoyé occuper un poste semblable à Prague, en Bohême. Il s'y illustra en introduisant le premier système d'indexation de fichiers que Prague avait connu. Il fut éventuellement envoyé en Santos, au Brésil, où il décida soudainement de quitter le service diplomatique. Il devint cadre pour une compagnie produisant de l'alcool dénaturé. Selon sa famille, il fut le premier à importer de l'alcool solide, du type sterno, utilisé pour chauffer des aliments. C'est vers cette époque qu'il commença à prêcher la fraternité universelle. Il devint travailleur infatigable au service de la paix dans le monde, représentant notamment les États-Unis comme délégué à la Conférence de la paix de La Haye en 1907. Il fut associé au World Peace Federation, mis sur pied par Edwin Ginn, résident du Maine aux origines humbles, qui devint le premier philanthrope à donner $1 million pour promouvoir la paix. Urbain Le Doux commença dès lors à rêver d'établir une grande ville internationaliste. En 1907, il travailla pour les services d'entraide aux militaires américains, aidant à loger et nourrir les soldats démobilisés. Après la guerre, il devint champion de la cause des anciens combattants devenus chômeurs. Il rouvrit la vieille boulangerie Fleischmann sur Broadway, y offrant lit et nourriture. Il fit de nombreux petits boulots pour financer ses activités et obtint quelques dons également. En janvier 1921, il mena une délégation vêtue de guenilles à l'église de la Trinité dans un appel silencieux pour de l'aide. En septembre de cette même année, il déménagea à Boston. Les journalistes, sincèrement impressionnés par son véritable désir de servir l'humanité, lui confièrent « Tu dois apprendre à dramatiser ta cause ». Le Doux eut l'idée de vendre les anciens combattants sans emploi à l'encan, tels des esclaves. Il présentait un vétéran typique aux enchères ainsi. « Voici un ancien combattant. Il était du 6e régiment des Marines qui ont combattu en France. Il fut blessé. C'est un charpentier. Qui me fera une offre ?» L'encan attira l'attention du pays tout entier. Le Doux défie la police. New York Times, le 19 septembre 1921. Monsieur Zéro dit qu'il tiendra une vente aux enchères de chômeurs ce soir. Urbain Le Doux, ou Monsieur Zéro, comme il se fait appeler à New York, a l'intention de tenir son encan de sans-emploi sur les marches de la bibliothèque municipale ce soir à 23h, malgré les objections de la police. Il nous dit également qu'il ira à Bryant Park aujourd'hui pour y distribuer beignes et biscuits aux chômeurs qui ont transformé ce parc en quartier général. J'ai dit que je le ferai, et ce que je dis, je le fais, précise Le Doux. Nous partirons de Cooper Union avec un camion plein de beignes et de biscuits. Notre objectif est Bryant Park, mais dans la mesure où le service de police a cru bon de m'y interdire l'accès, je resterai dans la rue. À ce que je sache, aucune loi ne m'empêche de distribuer de la nourriture à des hommes affamés dans les rues de New York. Son seul garde du corps sera Kenneth Chase, un ex-militaire de la dernière guerre qui est aujourd'hui chômeur. Si quiconque tente de malmener Le Doux ou si la police tente d'intervenir, Chase entonnera la chanson « Le monde est à court d'un tout petit peu d'amour » pour désarmer la situation. Le véritable affrontement entre Le Doux et les opposants à son plan pour vendre des sans-emplois aux enchères viendra sans doute ce soir, alors qu'il tentera de tenir son encan devant la bibliothèque municipale. La police affirme qu'elle ne lui permettra pas, et l'Association des anciens combattants et les principaux syndicats ont désavoué cette méthode pour attirer l'attention sur la détresse des chômeurs. Un syndicaliste qui nous assure que ses membres seraient présents en force pour protester contre l'action d'éclat a menacé de frapper Le Doux d'un coup de poing au visage s'il ne se désistait pas. Le Doux a déclaré hier soir que les objections à ses efforts en tant que serviteur d'idéaux supérieurs l'ont pas le moindrement impressionné. Il est confiant de pouvoir procéder à son encan à moins d'être physiquement retiré des marches de la bibliothèque. Il dit qu'il aura 10 anciens combattants bien engraissés à offrir aux enchères et qu'il précisera leur pédigré, leurs histoires familiales et leurs qualités aux acheteurs potentiels. Le Doux emmènera les hommes en question au théâtre avant de les vendre à l'encan. « Ce n'est pas une blague ni de la fanfaronnade », affirme Le Doux. « C'est une tragédie de l'existence, beaucoup trop triste pour être prise en riant. » Le Doux a passé la nuit dernière à visiter les installations portuaires de la ville où se trouvent 16 000 marins sans emploi. Leur parlant tout en prenant le pouls des chômeurs, il a également visité quelques parcs, discutant avec les démunis et les sans-abri qui s'y trouvèrent. Thank you. Un individu qui tenta de faire quelque chose d'efficace pour les sans-emploi fut Urbain Le Doux, ci-devant conférencier à Harvard, consul des États-Unis à Prague et homme d'affaires à succès qui s'était récemment converti au bouddhisme. Connu à Boston sous le pseudonyme de Monsieur Zéro, Le Doux obtint que diverses entreprises de cette ville mettent à la disposition des sans-abri des gîtes qu'on appela communément « hôtel chômeur » ou « hôtel de guenilles ». À New York, M. Zéro demanda une centaine d'invitations au bal inaugural du président Harding pour pouvoir les distribuer à des itinérants et à des chômeurs. Il avait même organisé le transport de tout ce beau monde, mais les invitations au bal ne se sont jamais matérialisées. Déterminé à attirer l'attention du public sur les souffrances de ceux qui ne pouvaient pas trouver du travail, Le Doux organisa ce qu'il appela des encans d'esclaves. Sur la grande place de Boston, il exposa des hommes torse nus comme s'ils étaient des esclaves et les encanta aux plus offrants parmi les quelques employeurs potentiels présents. Seuls deux esclaves trouvèrent preneur qui ne pouvaient qu'offrir gîte et repas plus un maigre salaire contre une semaine de travail. Lorsque M. Zéro tenta de tenir un enclan semblable à New York, il eut encore moins de chance, quoiqu'il suscita une bonne réaction de la part de milliers d'indigents dormant sur des journaux dans les places publiques. Pour publiciser son plan, il sillonna la ville dans un camion de boulangerie, donnant des petits pains et annonçant qu'il tiendrait un enclan sur les marches de la bibliothèque municipale au coin de la 5e avenue et de la 42e rue. La police eut au fait de mettre un terme à sa distribution alimentaire illégale et M. Zéro poursuivit sa course à pied. Partout où il allait, la police le talonnait. Ils l'ont même suivi jusque dans une église où il avait fait halte pour méditer et se reposer. D'autres policiers étaient disposés derrière la bibliothèque, dans Bryant Park, lorsque environ 4000 sans-emploi ont convergé vers ces lieux. Avant que Le Doux ne puisse donner le coup d'envoi à son encan, un corps de police monté chargea la foule. D'une autre direction, une escadron de policiers en moto suivirent la tactique de dispersement, suivis eux-mêmes de patrouilleurs à pied, armés de matraques. Le Doux, motivé plutôt par l'amour du Tout-Puissant que par le radicalisme, fut horrifié, mais la violence policière eut l'effet escompté. Monsieur Zéro cessa dès lors d'appeler à de grands rassemblements de sans-emploi. Il se contenta de convaincre les églises à New York et à Boston d'offrir des vivres et des gîtes aux plus démunis. La cause des sans-emploi au président. New York Times, 27 septembre 1921. Monsieur Zéro a une longue entrevue et quitte la Maison Blanche en souriant. Il laisse tomber une de ses exigences. Il n'exigera pas une liste des profiteurs de guerre. Il assistera à une conférence sur le chômage. Washington. Urbain Le Doux, le monsieur Zéro qui encanta des sans-emploi sur la place publique à Boston pour attirer l'attention sur le phénomène du chômage, a rendu visite au président Harding aujourd'hui. L'entretien a duré 25 minutes et Le Doux en est sorti visiblement satisfait. Lorsqu'il annonça la semaine dernière qu'il avait l'intention de venir à Washington, Le Doux a menacé de s'asseoir sur les marches de la Maison Blanche jusqu'à ce que le président entende son plaidoyer pour qu'il fasse quelque chose pour les sans-emploi. Dès qu'il est arrivé ici ce matin, il a distribué un communiqué dans lequel il répétait qu'il resterait devant la porte du président jusqu'à ce que le gouvernement publie une liste des profiteurs de guerre à 100%. Après s'être entretenu avec le président Harding, Le Doux a confié qu'il parlait figurativement et qu'il n'avait aucunement l'intention de demeurer sur les marches de la Maison Blanche. Il a dit qu'il ferait sa petite enquête sur la condition du chômage à Washington, mais ne procéderait à aucune action directe. Je ne peux pas citer le président, mais il fut très poli et courtois. Je lui ai proposé qu'il publie une liste des profiteurs de guerre qui avaient encaissé plus de 100% de profit pour qu'on puisse les contraindre à céder 50% de leur énorme profit. Je veux qu'il partage 50-50 et je voudrais que l'argent soit utilisé sous supervision gouvernementale pour du travail en faveur des nécessiteux. Le président m'a dit que la loi ne permettait pas d'entreprendre les actions que j'avais décrites. J'ai donc proposé qu'il édicte une proclamation faisant appel aux plus fortunés pour qu'ils contribuent à venir en aide à leurs malheureux semblables sans travail. Le président m'a écouté avec beaucoup de sympathie, mais a indiqué qu'une telle mesure ne pourrait être entreprise, sauf en cas de force majeure. Ledoux a dit qu'il séjournerait à Washington indéfiniment et qu'il assisterait aux auditions de la conférence sur le chômage en tant qu'observateur, non comme participant. Il a affirmé qu'il dormirait dans les parcs pour se donner une idée de la détresse dans la capitale. Monsieur Zéro agrandit sa soupe populaire pour les démunis. New York Times, 19 janvier 1925. Ledoux inaugurera une version agrandie de son complexe au service des sans-emploi au 26, 29 et 33 Saint Mark Place. Son restaurant appelé le Tob, la baignoire, a été rénové et deux pavillons ont été ajoutés. Ledoux, mieux connu par son pseudonyme de Monsieur Zéro, annonça ses plans pour l'agrandissement de ses locaux hier soir. Une ligne téléphonique a été installée, le 222-010, et en composant ce numéro, affirme Ledoux, vous pouvez obtenir les services d'une variété de travailleurs allant de chimiste à monteur de ligne. Il ajoute, le Tob est un de ces petits restaurants les plus propres de New York, où on trouve des repas à 5 cents, avec service à volonté. Nous offrons les services de barbiers qui dispensent leurs services pour presque rien, et un tailleur qui nettoie, presse et prépare des complets pour 10 cents. Il y a des électriciens experts, des charpentiers, des mécaniciens, des tuyauteries, des plombiers et toutes sortes de travailleurs spécialisés temporairement sans emploi. Un comptable rend les comptes pour chaque cent que nous encaissons. 10 000 hommes nourris par Monsieur Zéro. New York Times, 26 décembre 1928. Les sans-emploi affluent vers la binerie à 5 cents pour son spécial annuel de Noël. Urbain Ledoux, Monsieur Zéro, l'ami des sans-emploi et de la population itinérante de la ville, relançait son invitation annuelle à venir manger pour 5 cents au Tob. La distribution de gibelotes à la dinde, de pain, de gâteaux et de café commença à 10 h du matin et se poursuivit jusqu'après 18 h. Pendant la journée, des milliers de chaussettes, de paletots et autres articles vestimentaires furent distribués à 10 000 hommes par Monsieur Ledoux. Cette année, Monsieur Zéro fut appuyé par ses deux sœurs, Mademoiselle Joséphine et Mademoiselle Orise Ledoux, et par son fils Normand. Un autre collègue fut quelqu'un de l'Université Columbia qui a gracieusement offert ses services et a passé la journée à donner gâteaux et beignes à la file des sans-abri qui passaient devant lui et avaient tous payé 5 cents pour leur repas. À l'entrée du Tob de Monsieur Zéro se tenait un gros sapin de Noël derrière lequel une architecture de chemin de fer symbolisait l'atmosphère d'un camp de hobo. Dans ce décor, les échevelés et les mal lavés trouvèrent des vêtements chauds, des gants, des vestons, des sous-vêtements et des manteaux. Monsieur Zéro apparut dans son déguisement du Père Noël pour distribuer des vêtements neufs en faisant part des commentaires suivants. « Si tu souris assez longtemps, t'auras éventuellement la job. Le Père Noël est là chaque fois que le bien gagne la partie. » Et il y a une autre bourse à New York aujourd'hui, la bourse des bas de Noël. Pour son festin de Noël, M. Ledoux a fourni 2000 livres de dinde, 2000 gâteaux, 3000 livres de pain et assez de café pour remplir 10 000 tasses selon le permis accordé par le département de santé municipal. 135 hommes ont dormi chez M. Zéro, bien à l'abri et bien au chaud pendant la nuit de Noël. The New Republic, 3 octobre 1921. Urbain Ledoux, prophète. Des hommes dorment. Sous le grand portique de la bibliothèque municipale de New York, ils gisent sur la pierre, certains la tête sur les bras, d'autres tordus pour garder leurs mains dans leurs poches, ici et là, le visage blême tourné vers le ciel. Il y en avait deux qui dormaient l'un contre l'autre pour retrouver un peu de chaleur, et là-bas, quatre autres serrés les uns comme les autres, comme autant de chiots. La plupart avaient des journaux pour s'abrier. Un seul homme possédait une couverture et ce n'était en fait qu'un sac de jute. Pas un seul ne possédait un paletot. Quelques-uns étaient même en bras de chemise. Chacun des grands bassins de marbre contenait de 6 à 8 formes sombres. Dans un coin, deux hommes avaient construit de petites cabanes en carton et gisaient à l'abri du vent et des regards. Ledoux s'avança parmi eux doucement, révérencieusement. Par ses visages hagards, ses corps torturés, nul ne pouvait s'empêcher d'être infiniment touché. le règlement du service d'hébergement de dernier recours de la ville de New York, qui précise qu'un résident de New York ne peut trouver refuge dans les immeubles gérés par la ville pendant plus de 5 jours par mois, a été adouci à cause des circonstances et 600 hommes avaient été évacués vers ces abris. Nous avons néanmoins compté 176 hommes couchant à la Belle Étoile. Aux approches du pont de Williamsburg, d'autres dormaient. Un vieillard dormait étendu et pleinement exposé aux éléments, ses cheveux gris s'entremêlant avec le gazon. Un garçon gisait dans l'ombre d'un parapet. Il avait le visage brun, le front lisse et les joues arrondies de la jeunesse. Nous l'avons réveillé pour lui donner un ticket échangeable contre un déjeuner. « 19 ans, nous confia-t-il. 3 ans à New York. Je suis sorti d'un orphelinat à Buffalo. » J'accepterai n'importe quel travail. J'ai déjà travaillé dans un restaurant et dans un hôpital, mais je ferai n'importe quoi. Nous continuons. Direction, le syndicat international des marins. Ici, il y a chaleur et abri, mais pas de lit. On s'étend par terre sous des journaux. Néanmoins, tous accueillent le lever du jour avec joie. Le Dewey distribue des tickets à déjeuner et encourage tous les hommes à le rencontrer dans Central Park ce dimanche pour participer à sa chorale. Nous devons laisser un peu de beauté s'insinuer dans nos vies. Quelqu'un me demande le titre que je vais donner à ce reportage. Il répond à sa propre question. Appelez ça « Les marins crèvent de faim pendant que les navires rouillent ». De retour à Bryant Park, où nous avons rencontré plutôt les dormeurs du petit matin, les gens se pressent vers le Dewey dès qu'on le voit traverser la porte du parc, mais il leur a fait signe de se faire discret. « Deux par deux » ordonna-t-il. Et ils forment 2 rangs derrière lui. 2 par 2, ils les marchent le long de la 6e avenue vers la 34e rue sur laquelle se trouve le restaurant Blake. 200 hommes se rendent à destination, alignés le long du trottoir. « Les hommes de plus de 40 ans !» cria le Dewey. Et les plus âgés pénétrèrent dans le restaurant. Les autres attendent. Chaque homme reçoit un journal, son espoir d'un emploi le jour, sa couverture le soir venu. Le restaurant Blake offre 2 sortes de bines, des hamburgers et du café. Service à volonté pour 15 cents. Les gars sur le trottoir ont l'air d'avoir un bon moment à attendre. Nous leur avons demandé combien étaient des anciens combattants. 1/3 du groupe lève la main. Ils ne portent aucun insigne. La sagesse populaire veut qu'un ex-combattant ait moins de chances d'obtenir un emploi. Faux, dites-vous. Mais c'est néanmoins l'impression. C'est regrettable. Peut-être qu'une âme charitable, patriotique, invitera une centaine d'entre eux pour déjeuner chez Blake un de ces jours. À 9h, le Dewey a déjà nourri 825 hommes avec moins de difficultés que ne l'aurait fait un père moyen d'une fille d'une famille de 7 enfants. Voici les hommes qui ont été matraqués et chargés par la cavalerie policière parce que le Dewey avait osé les nourrir. Qui avait été chassé comme de la vermine de par les rues cette nuit-là pour le crime d'avoir osé croire, avoir osé agir sur le message d'espoir de Monsieur Zéro. Leur pitoyable manifestation vers Central Park, plaidant leur triste cause, fut caractérisée par le maire Highland comme étant une quasi-émeute. Aujourd'hui, le Dewey est chaleureusement salué par la police partout, tout le long de sa route qu'il fait souriant et serein. Le berger des agneaux tondus du travail. Pendant l'été et l'automne de 1921, il y eut une véritable épidémie de chômage. La grande place de Boston était couverte d'itinérants désespérés qui dormaient nuit après nuit sur les bancs et les gazons, car ils n'avaient nulle part où aller. La crise avait atteint son apogée lorsqu'Urbain Le Dewey dramatisa le sort des sans-abri et des affamés en instituant son célèbre encamp d'esclaves. Un soir, il tomba sur une 30aine de miséreux dans les toilettes municipales souterraines, presque tous des anciens combattants. Le lendemain, il proposa leur service aux plus offrants lors d'un encamp sur la grande place, s'assurant d'abord qu'ils étaient tous consentants et disposés à être vendus de cette façon, car ils crevaient littéralement de faim. L'un d'eux s'évanouit même de malnutrition lors de sa mise à prix. Lorsque les journalistes apprirent que des hommes avaient vraiment été vendus comme des esclaves dans ce monument à la liberté, la grande place de Boston, l'attention du pays tout entier fut dirigée sur Boston, de telle sorte que les élites incommodées de cette ville prirent rapidement en branle des mesures d'urgence pour pallier aux besoins les plus criants et ainsi mettre fin au scandale. Mais le nombre de cas le plus extrême, sans cesse augmenté par le flux incessant de l'extérieur de Boston, créa une situation trop difficile pour être rectifiée par les moyens existants. À cette défaite, Ledoux répondit instantanément en prenant le contrôle d'un édifice entier, où il logea, nourrit et vêtit une horde de chômeurs à qui il donna le nom de « agneaux tondus du travail ». Il les parada un peu partout, arborant des bannières affichant des messages ironiques et incendiaires. Un tel intérêt avait été suscité par les médias qu'une vingtaine de milliers de personnes s'étaient assemblées sur la grande place dans l'attente d'un nouvel encamp d'esclaves annoncé par Ledoux et que la police a fini par empêcher. En compensation, le public eut droit à un concert de fanfare et se fit solliciter des contributions pour venir en aide aux sans-emploi. Fils de parents humbles qui s'étaient exilés pour travailler dans les filatures de la Nouvelle-Angleterre, Ledoux avait si complètement surmonté les désavantages de sa naissance qu'il avait finalement atteint une position de confiance, au point où il se fit confier une importante mission en Europe qui lui ouvrit la porte des plus hauts cercles diplomatiques. Et avec le succès mondain ainsi à sa portée, il subit une de ces crises psychologiques pour lesquels le mot « conversion » est peut-être le seul terme approprié. Quoique de quoi vers quoi, Ledoux même ne l'a pas précisé. L'expérience le laissa avec ce qu'il est convenu d'appeler « le complexe du sauveur » et une aversion profonde pour cette classe privilégiée qui l'avait ou qui l'avait exclue. Si après il devint l'ami et le champion de la cause des miséreux, c'est comme agitateur, en leur nom, qu'il pénétrait l'arène de Boston de si dramatique façon. Les journalistes et la police ne savaient rien sur lui, même pas son nom. Ils l'ont pris pour un agent plutôt qu'un instigateur à cause de l'argent qu'il semblait facilement capable de dispenser. Et ils étaient avides de découvrir la source de sa richesse. Peu de temps après, Ledoux remplaça l'enseigne indiquant que l'édifice qu'il louait abritait l'église des sans-abri par une autre où l'on pouvait lire « Fermé jusqu'à ce que Boston retrouve son sens divin ». Il expliqua aux journalistes que vu qu'il n'avait pas reçu de l'aide nécessaire de la population de Boston, plus d'une centaine d'hommes qui dépendaient de lui pour le gîte et la nourriture auraient désormais le choix entre la prison et l'errance nocturne de par les rues de la ville. Les conditions étaient tout aussi mauvaises à New York qu'elles l'étaient à Boston. Il y avait beaucoup de grogne chez les travailleurs industriels que les médias passaient sous silence. La répression policière était particulièrement brutale et on cherchait à empêcher tout rassemblement des sans-emploi. Dans les propos de Ledoux, les autorités voyaient une menace. On a donc laissé entendre à travers les médias qu'aucun encamp n'eut lieu. Mais Ledoux n'avait tout qu'une intention réelle de procéder à un tel encamp. Ce n'était qu'un autre de ces coups de théâtre pour attirer l'attention du public sur le non-acquittement des responsabilités sociales. Ça ne lui dérangeait pas d'être martyr, tant que les feux de la rampe étaient braqués sur lui. Et ça l'abusait même d'être espionné et contre-interrogé par des membres de l'escouade anti-bombe, comme c'est arrivé dès son arrivée à New York. Sans le savoir, la police jouait le jeu de Ledoux en l'empêchant physiquement de distribuer un camion plein de beigne à des hommes affamés. En assez peu de temps, Ledoux établit un dortoir pour sans-abri dans la chapelle Sainte-Marc et une soupe populaire dans l'église de Sainte-Marc in the Bowery. Ledoux était un homme imbu d'une mission, dévoué à des fins altruistes, qui, bien qu'un incorrigible showman, n'était ni fraudeur, ni faux. Un homme vain et passionné, mais un véritable serviteur du Tout-Puissant. Thank you. s'est passé cette semaine. New York Times, 23 novembre 1930. Contre 50 dollars en espèces, Urbain Le Doux offre une salle et un auditoire pour tout poète, philosophe ou prêcheur qui désire être entendu. Et un auditoire attentif et poli par-dessus le marché, comme le savent tous ceux qui ont partagé une croûte avec les démunis à sa binerie dans St. Mark's Place. Le génie qui possède 50 dollars n'a plus à prêcher dans le désert, dans cette métropole sans cœur. Les offres d'emploi de Monsieur Zéro, basées uniquement sur l'espoir. New York Times, 1er juillet 1931. Il admet que son offre au col blanc de travailler à la récolte n'était que le résultat de son propre sondage. Urbain Le Doux, Monsieur Zéro, champion des sans-espoirs, fut libéré de prison aujourd'hui sous promesse de comparaître et paiement d'une caution de 5 $ à la cour d'Essex après que l'assistant procureur général lui ait fait admettre que tout ce que j'avais c'était de l'espoir lorsqu'il essaiera une offre d'emploi pour des chauffeurs de machinerie de récolte à 4 et 5 $ par jour. Le magistrat Harris a cité Le Doux à comparaître à la cour spéciale des sessions. Monsieur Le Doux, souriant sur la cour à travers ses grosses lunettes sévères, témoignant sa propre défense. Roy Harder, 43 ans, du 353 rue Stockholm à Brooklyn, un chauffeur en chômage, apparu comme plaignant. Le Doux a témoigné qu'il avait travaillé pendant plusieurs mois dans les grandes plaines et avait appris que la région pouvait employer jusqu'à 100 000 hommes. Il acheta donc une publicité dans le journal le 18 juin, offrant transport et de 4 à 5 $ par jour à des chauffeurs sans emploi. Le Doux objecta que la publicité n'était pas trompeuse. Lorsqu'il reçut un télégramme d'un bureau gouvernemental à Kansas City, précisant qu'on ne pouvait accepter son offre, Le Doux dépensa 11 $ en timbres pour poster des lettres avisant les candidats de la situation et leur offrant de l'aide sous forme de vêtements plutôt que sous forme de travail. Les lettres disaient « Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. » Lorsque Le Doux refusa de répondre à une question directe du procureur, à savoir s'il avait autre chose à offrir, la cour ordonna que son refus soit noté. Le microphone sera présent. New York Times, 29 novembre 1931. Une solution à la situation économique mondiale actuelle sera offerte par Monsieur Zéro, Urbain Le Doux, alors qu'il entreprendra une série d'entretiens sur les ondes de WMCA à 18h30 ce soir. Se proclamant lui-même le cri articulé de la misère, Le Doux a sillonné le globe dans ses tentatives d'attirer l'attention du public sur le sort des sans-abri et des sans-emploi. Monsieur Zéro décède à 66 ans, New York Times, le 10 avril 1941. Il dormait parfois dans les parcs, tout comme les hommes qu'il servait. La maladie l'a saisi, mais il n'y a pas fait attention. Il a vécu assez longtemps pour voir les bons fruits de ses labeurs. Un jeune itinérant qu'il avait ramassé dans le Bowery, est aujourd'hui un portraitiste célèbre vivant dans un penthouse sur Park Avenue. Un autre est avocat bien connu de Manhattan. L'avènement du bien-être social a mis fin au labeur d'Urbain Le Doux. Les hommes qui gravitaient autour de sa binerie pour y consommer café et pain sec se sont rendus compte qu'ils arrivaient mieux avec un chèque du gouvernement. Solution que Le Doux avait toujours prônée. Monsieur Zéro put redevenir Urbain Le Doux. En 1930, il avait marié Mademoiselle Mary W. Hall, qui avait joué des rôles shakespeariens aux côtés de Walter Hampton. 5 ans plus tard, il s'envolait pour l'Amérique du Sud, où il écrivit et réalisa 2 longs-métrages, des films parlant en espagnol, construits autour de son rêve de fraternité et de paix universelle. Urbain J. Le Doux, ce colosse aux yeux gris, cet idéaliste et mystique qui fut le Monsieur Zéro du Bowery pendant ses 20 dernières années, est décédé dans la nuit de mardi dernier à l'hôpital français. Il avait passé les meilleures années de sa vie à servir les sans-espoir et les sans-abri de la ville.